De l'instruction dans l'art de guérir. L'art de guérir est un de ceux pour lesquels l'instruction doit être commune aux deux sexes. L'usage constant de toutes les nations semble même en avoir réservé aux femmes quelques fonctions. Partout, elles exercent l'art des accouchements pour le peuple, c'est-à-dire pour la presque totalité des familles. Partout, elles gardent les malades. Et, ce qui en est une suite, elles exercent la médecine pour les petits maux et font les opérations les plus simples de la chirurgie. Dans les pays où les préjugés de la superstition et de la jalousie ne leur permettent pas de soigner les hommes, les mêmes opinions leur donnent exclusivement la profession d'accoucher et le soin de traiter les femmes. On prétend qu'il vaut mieux qu'une garde soit ignorante, parce qu'alors elle se borne à l'exécution machinale des ordonnances d'un médecin. Mais je n'ai pas vu encore que l'ignorance préservât de la présomption. Cette politique de tenir dans l'ignorance celui qui ne doit qu'exécuter, afin de trouver en lui un instrument plus docile, est commune à tous les tyrans qui veulent, non des coopérateurs, mais des esclaves, et commander à la volonté au lieu de diriger la raison. Une garde qui aura reçu une instruction raisonnable se croira moins habile que celle qui, n'ayant que la routine, a dû contracter des préjugés. Plus en état de sentir la supériorité réelle des Lumières, elle saura s'y soumettre avec moins de répugnance. Ajoutons qu'une garde ignorante n'en obtiendra pas moins la confiance des malades. On la gagne bien plus sûrement par des soins, de la complaisance que par des lumières. Ils croiront toujours que cette prétention de lui interdire le droit de raisonner importe plus à l'orgueil du médecin qu'au salut du malade, et il n'est pas bien sûr qu'il se trompe. D'ailleurs, combien ne serait-il pas utile à la conservation et au perfectionnement physique de l'espèce humaine que les sages-femmes fussent instruites et surtout qu'elles fussent libres des préjugés vulgaires, désabusées de ces pratiques que l'ignorance, la superstition et la sottise transmettent de génération en génération. Qu'elles pussent exercer au moins la médecine et la chirurgie pour les maladies des enfants, pour celles qui sont particulières aux femmes ou sur lesquelles la décence les oblige à jeter un voile. Par là, on offrirait aux femmes des familles pauvres des ressources qui manquent à leur sexe, presque généralement condamnées à ne pouvoir se procurer une subsistance indépendante. Par là, on conserverait plus d'enfants, on les préserverait de ces accidents, de ces maladies des premières années qui rendent contrefaits ou malsains ceux à qui elles laissent la vie. Par ce seul moyen, le peuple pourrait être soigné dans ses maladies. La douceur, la sensibilité, la patience des femmes lui rendraient leur secours au moins aussi utile que ceux d'hommes plus instruits dont le nombre ne serait jamais assez considérable pour qu'une grande partie des habitants de la campagne n'en fût pas trop éloignée. Quand bien même je regarderais la médecine dans son état actuel comme plus dangereuse qu'utile, je n'en croirais pas moins qu'il est nécessaire d'établir une instruction pour l'art de guérir. Car on ne prétendra pas, sans doute, qu'un médecin ayant des préjugés, agissant d'après de fausses lumières, commettant des fautes grossières par ignorance et s'égarant moins encore par une application erronée de la doctrine qu'il a reçue que par les erreurs de cette doctrine même, on ne prétendra pas qu'un tel homme soit moins dangereux que celui qui aurait reçu une instruction limitée mais saine, dans laquelle on aurait proportionné l'étendue des connaissances aux besoins et à la possibilité d'en faire un usage utile, ou une sage philosophie aurait appris à savoir douter de ce qu'on ignore, à ne point agir quand on reste dans le doute, où l'on inspirerait la défiance de soi-même, le respect pour les lumières, une exactitude sévère à regarder comme un devoir rigoureux la modestie de recourir à celle d'autrui lorsqu'on sent l'insuffisance des siennes. Croit-on qu'un médecin qui aurait reçu toutes les connaissances qu'il peut aujourd'hui puiser dans l'étude de l'histoire naturelle, de la chimie, de l'anatomie, dans les nombreuses observations des médecins de tous les siècles, dans les leçons données par un homme habile auprès du lit des malades, ne vaudra pas mieux que celui qui aurait été élevé au milieu des préjugés et des systèmes de l'école ou qui n'aurait eu d'autre apprentissage auprès des malades que ses propres erreurs? Si la médecine n'est pas encore une véritable science, rien n'empêche de penser qu'elle doit le devenir un jour. Combinons donc l'instruction de manière à rendre les secours de cet art aussi utiles qu'ils peuvent l'être dans son état actuel et en même temps à nous rapprocher de l'époque d'un changement moins éloignés que ne le croient les hommes qui ne suivent pas dans leurs détails les progrès des sciences physiques et ceux de l'art d'observer. Nous touchons à une grande révolution dans l'application des sciences physiques et chimiques aux besoins et au bonheur des hommes. Encore quelques rochers à franchir et un horizon immense va se développer à nos regards. Tout annonce une de ces époques heureuses où l'esprit humain, passant tout à coup de l'obscurité des pénibles recherches au jour brillant et pur que lui offrent leurs grands résultats, jouit en un jour des travaux de plusieurs générations. Pour remplir le premier objet dans l'instruction donnée à ceux qui doivent offrir des secours à la généralité des concitoyens dans les maladies ordinaires, et de qui le plus grand nombre ne permet pas d'exiger de longues études, on cherchera plus encore à détruire la fausse science, à empêcher toute activité dangereuse, qu'à enseigner les moyens d'agir, trop souvent incertains dans leurs effets ou dont l'application est trop équivoque. Mais pour ceux qui sont destinés à porter des secours dans les circonstances extraordinaires, ou à qui tout ce qui est connu doit être enseigné, à qui l'on doit surtout apprendre à juger leur propre lumière, on s'attachera principalement à porter dans l'enseignement de la médecine la méthode des sciences physiques, la précision avec laquelle on y observe les faits, la philosophie qui en dirige la marche et en assure les progrès. Alors, on sera sûr d'avoir établi une instruction utile. N'y a-t-il pas, en effet, tout lieu de croire qu'il faut moins de temps pour faire de la médecine une vraie science que pour engager les hommes à renoncer au secours d'une médecine même dangereuse? Qu'il y aura des médecins éclairés et philosophes avant que l'on soit désabusé des charlatans? Enfin, des méthodes de guérir, sinon certaines, du moins très probables, avant que les hommes ne soient parvenus à ne plus devenir faibles et crédules lorsqu'ils souffrent, à n'avoir plus besoin, dans leur douleur, d'être bercés par l'espérance et distraits de leurs maux par l'occupation de faire ce qu'ils croient devoir les guérir? Je n'ai point ici séparé la médecine de la chirurgie. Une maxime vulgaire veut que celle-ci soit bien moins incertaine. La chirurgie a, sans doute, une marche certaine, si on ne veut parler que de la méthode d'opérer. Et celle de la médecine est également sûre, si on ne parle que de la composition des remèdes et de leur action immédiate. Mais si on veut parler du succès et de la suite des opérations, alors on y trouve la même incertitude que dans la médecine sur l'effet des remèdes intérieurs. Instruction pour l'art des constructions. L'art des constructions doit former une branche importante de l'instruction publique parce qu'il importe à la sûreté, à la prospérité du peuple qu'il soit exercé par des hommes éclairés, parce qu'une grande partie de ceux qui le cultivent devant être employés pour le service commun par des hommes qui les choisissent, non pour eux-mêmes mais pour autrui, c'est un devoir de la puissance publique de rendre ce choix moins incertain en préparant, par une instruction dirigée en son nom, les artistes sur lesquels il doit s'arrêter. Il suffirait d'un établissement dans chaque département et de trois professions, l'un pour le dessin, un second pour les connaissances théoriques, un troisième pour celles qui tiennent plus immédiatement à la pratique. Une instruction plus complète serait ouverte dans la capitale ou même dans quelques grandes villes. Il faudrait, pour le premier degré d'instruction, qu'une fois par semaine, les professeurs fissent une leçon pour ceux qui ont cessé d'être élèves, qui, déjà employés ou prêts à l'être, n'ont besoin que d'être tenus au courant des méthodes et des observations nouvelles qui contribuent à la perfection de l'art. Dans la capitale, cette instruction des hommes faits pourra être l'objet d'un établissement plus étendu. On sent bien qu'il ne s'agit pas ici de former un corps de constructeurs. Rien ne nuirait plus au progrès de cet art si vaste, si important, rien ne contribuerait davantage à y perpétuer les routines et à y conserver des principes erronés. S'il faut une instruction publique pour cet art, c'est précisément afin qu'il n'y ait plus d'école, afin d'en détruire à jamais l'esprit. Cette instruction non seulement aura l'avantage d'offrir aux particuliers des artistes habiles pour la construction des édifices nécessaires à l'économie rurale, édifices où la salubrité, la sûreté, la conservation des produits sont presque partout si barbarement négligés. Pour l'exploitation et les travaux des mines, pour les usines, les bâtiments des manufactures, les canaux d'arrosage, les conduites d'eau, les machines hydrauliques, mais elle présentera aux administrateurs des hommes éclairés, étrangers à toute corporation, qu'ils pourront charger des édifices publics, des chemins, des ponts, des canaux de navigation, des arrosages en grand, des aqueducs, etc. etc. Tout homme qui aurait obtenu des professeurs un certificat d'études et de capacités sous la forme qui serait déterminée pourrait être librement employé par les administrations. Des arts du dessin. Des écoles dans la capitale et dans les grandes villes suffiraient parce que le dessin entre déjà dans l'éducation commune et dans l'éducation générale pour les professions mécaniques. Les préjugés gothiques avaient avili ces nobles occupations. Il semblait qu'une main humaine était en quelque sorte déshonorée lorsqu'elle s'employait à autre chose qu'à signer des ordres ou à tuer des hommes. Dans d'autres siècles, peut-être, l'enthousiasme pour ces arts a pu en exagérer l'importance tandis qu'une austère philosophie voulait les proscrire comme des sources de corruption. Tout ce qui tend à donner par l'essence des idées du grand et du beau, tout ce qui peut élever les pensées, ennoblir les sentiments, adoucir les mœurs, tout ce qui offre des occupations paisibles et des plaisirs, sans détourner des devoirs et sans diminuer ni la capacité ni l'ardeur de les remplir, mérite d'entrer dans une instruction nationale. Il dépend de la puissance publique d'en éloigner la corruption, puisque c'est elle qui ordonne les monuments destinés à être mis sous les yeux du peuple, puisque c'est d'elle que les artistes reçoivent leur plus glorieux encouragement. Quel homme né avec le génie de la peinture le prostituera à des tableaux corrupteurs s'il sait que cet abus de son talent lui ravira l'honneur d'immortaliser son pinceau en traçant les actions que la reconnaissance publique consacre à la postérité ? D'ailleurs, ce qui blesse réellement la décence n'a jamais eu rien de commun ni avec les grands talents, ni surtout avec la perfection des arts. Dans les temps de barbarie, des peintures de ce genre ornaient jusqu'aux heures de nos dévots aïeux, et les ouvrages que le génie a quelquefois consacrés à la volupté sont moins dangereux que ces peintures grossières. Enfin, il serait aisé de prouver que l'habitude de voir de belles statues, comme l'image des beautés que la nature a créées, est plutôt un obstacle au dérèglement de l'imagination. C'est en cachant sous les voiles du mystère les objets dont on veut la frapper, et non en la familiarisant avec eux, qu'on parvient à l'enflammer. Une religion sans mystère ne fait pas de fanatique, et celui qui connaîtra la beauté lui rendra le culte pur qui est digne d'elle. La connaissance de ces arts emporte avec elle celle de la beauté des formes extérieures, celle de l'expression des sentiments et des passions, celle des rapports que les mouvements et les habitudes de l'âme, les qualités de l'esprit et du caractère, ont avec les mouvements du visage, la physionomie, la contenance, la conformation des traits. Ces arts sont donc un des anneaux de la chaîne de nos connaissances, ils doivent être comptés au nombre des moyens de perfectionner l'espèce humaine. Ceux qui ont voulu les proscrire comme des moyens de corruption avaient-ils oublié que toute société paisible tend à la douceur des mœurs, se porte vers les plaisirs que les arts peuvent procurer, et qu'ainsi, en voulant que, pour rester libres, les hommes renonçassent à ces douces occupations, il fallait commencer par les enchaîner sous des lois contraires à la liberté et les rendre esclaves pour qu'ils n'eussent pas à craindre de le devenir un jour? Il ne reste donc à un législateur juste et sage que de diriger ce que l'ordre de la nature a rendu nécessaire, de rendre utile ce qu'il ne peut empêcher sans injustice. Musique. À ces arts, il faut joindre la musique. Lorsque les sons se succèdent par intervalles mesurés, lorsque ceux qui se suivent ou qui s'entendent à la fois sans se confondre répondent dans le corps sonore à un système de mouvements simples et réguliers, ils excitent naturellement, sur l'organe de l'ouïe, un sentiment de plaisir qui paraît influer sur l'ensemble de nos organes et qui peut être, de même que cette influence, a pour cause première cette régularité de vibration à laquelle tous nos mouvements tendent alors à se conformer en vertu des lois générales de la nature. Il y a plus. Les sons, et par leur nature et par leur distribution ou l'ordre de leur succession, excitent et réveillent en nous des sentiments et des passions. Si la musique ne nous entraîne pas, si elle n'imprime pas à nos âmes les mouvements qu'elle doit exciter, elle nous distrait, nous sépare de nous-mêmes pour nous porter vers de douces rêveries. Enfin, son influence est plus forte sur les hommes rassemblés. Elle les oblige à sentir de la même manière, à partager les mêmes impressions. Elle est donc au nombre des arts sur lesquels la puissance publique doit étendre l'instruction, et il ne faut pas négliger ce moyen d'adoucir les mœurs, de tempérer les passions sombres et haineuses, de rapprocher les hommes en les réunissant dans des plaisirs communs. Avantages politiques de l'enseignement des arts libéraux. L'enseignement des arts libéraux a encore un avantage politique qu'il ne faut point passer sous silence. Comme ils exigent des talents, des études, leurs productions doivent être payées plus chèrement que les travaux qui en demandent moins. Ils sont donc un moyen d'établir plus d'égalité entre celui qui naît avec de la fortune et celui qui en est privé. Cet équilibre de richesse entre le patrimoine et le talent est un obstacle à l'inégalité qui, malgré les lois politiques et civiles, pourrait se perpétuer ou s'introduire. On dira peut-être que cette même égalité détruirait les arts, qu'ils ne fleuriraient pas dans un pays où il n'y aurait que des fortunes médiocres. On se tromperait. Ceux qui n'aiment ces arts que par vanité veulent, sans doute, des jouissances solitaires. Un tableau ne leur fait plaisir que parce qu'il existe dans leur cabinet. Ils ne goûtent plus les talents d'un virtuose célèbre s'ils ne l'entendent pas dans le concert qu'ils ont préparé. Il n'en est pas de même de ceux dont le goût pour les arts est l'effet de leur sensibilité. Ils n'ont pas besoin, pour en jouir, d'un privilège de propriété. Si donc il n'y a point de particulier assez riche pour encourager les grands ouvrages de l'art, si les monuments publics dirigés par une sage économie ne suffisent pas, des sociétés libres d'amateurs s'empresseront d'y suppléer. Dans les pays où l'homme égal à l'homme ne s'agenouille point devant son semblable, revêtu par lui-même de titres imaginaires, comme le statuaire devant le dieu qu'il a formé de ses mains, ces sociétés remplaceront avec avantage ce que les arts et les sciences pourraient attendre ailleurs de la protection des rois ou des grands. Animés de l'esprit public, dirigés par des hommes éclairés, l'intrigue et le caprice ne présideraient point aux encouragements qu'elles donneraient. Ces encouragements n'ôteraient rien aux arts de leur dignité naturelle, aux artistes de leur indépendance. Société destinée au progrès des arts. L'instruction relative à l'économie rurale, à la science de la guerre, à la marine, à l'art de guérir, à celui des constructions, aux arts du dessin, ne serait pas complète s'il n'existait des sociétés destinées au progrès de ces arts et où ceux qui les cultivent puissent trouver des lumières et surtout des préservatifs assurés contre l'erreur. Ces sociétés, établies dans la capitale, doivent y être séparées des sociétés savantes proprement dites. En effet, si l'économie rurale est une partie de la botanique et de la zoologie, si l'art de guérir est fondé sur l'anatomie, sur la chimie, sur la botanique, si celui des constructions, comme la science de la guerre et la marine, a les mathématiques pour base, la manière dont les sociétés savantes et celles qui ont pour but la perfection de ces arts considèrent le même objet, emploient les mêmes vérités, doit être différente. Si vous introduisez dans les sociétés savantes l'idée de préférer les connaissances immédiatement applicables à la pratique, d'écarter les théories qui ne présentent aucune utilité prochaine, alors vous énervez en elles la force avec laquelle elles doivent s'élancer dans ces régions immenses où repose la foule des vérités encore cachées à nos regards. Si au contraire, ces mêmes sociétés envisagent les arts d'une manière trop spéculative, il existera entre la théorie et la pratique un intervalle que le temps seul pourra franchir. Les découvertes spéculatives resteront longtemps inutiles, la pratique ne se perfectionnera que lentement et au gré des circonstances. C'est à remplir cet intervalle que les sociétés savantes spécialement appliquées aux arts seront surtout destinées. Elles sauront profiter également et des découvertes des savants et des observations des hommes de l'art. Elles établiront une communication immédiate entre les vérités abstraites et les règles de la pratique. Elles rendront la théorie utile et la pratique éclairée. Le savant y trouvera des observations de détails que ses expériences n'auraient pu lui faire connaître. L'homme de l'art y puisera des principes qui auraient échappé à ses recherches. La chaîne de l'activité humaine ne sera point interrompue depuis les plus sublimes méditations du génie jusqu'aux opérations les plus vulgaires des arts mécaniques. Ces sociétés auront, de plus, l'avantage d'offrir un encouragement à ceux qui aiment à exercer leur raison, qui s'occupent plus de la perfection réelle de leur art que de leur propre succès. Surtout, elles empêcheraient l'esprit de routine, celui de système, celui d'école, de s'emparer de la pratique des arts. Ce dernier avantage ne serait pas rempli si, écartant de ces sociétés toute idée de corporation, toute inégalité relative aux fonctions, au grade que ceux qui les composeraient auraient hors du sein de la société, on y établissait une entière égalité, une liberté absolue dans les choix. Si ces sociétés sont autre chose que la réunion des hommes qui, successivement et par leur propre suffrage, se sont déclarés les plus éclairés dans l'art dont ils doivent accélérer les progrès. On a vu, dans un autre mémoire, comment l'intérêt de leur propre gloire les défendrait alors contre les mauvais choix. Ici, le préservatif serait plus sûr encore. Une académie de médecine dont les membres ne seraient appelés par aucun malade, une académie de peinture à laquelle on ne demanderait pas de tableau, une académie militaire dont les membres ne seraient pas estimés des soldats, tomberait bientôt dans l'avilissement, serait bientôt poursuivie par le ridicule. On ne trouve ici ni la théologie, ni la jurisprudence au nombre des sciences que la puissance publique doit comprendre dans les établissements d'instruction. Tout homme devant être libre dans le choix de sa religion, il serait absurde de le faire contribuer à l'enseignement d'une autre, de lui faire payer les arguments par lesquels on veut le combattre. Dans toutes les autres sciences, la doctrine enseignée n'est pas arbitraire. La puissance publique n'a rien à choisir, elle fait enseigner ce que les gens éclairés regardent comme vrai, comme utile. Mais d'après qui décidera-t-elle que telle théologie est vraie ? De quel droit aurait-elle d'en faire enseigner une qui peut être fausse ? On peut, jusqu'à un certain point, faire payer un impôt pour les frais d'un culte. La tranquillité publique peut l'exiger, du moins pour un temps très borné. Mais qui osera dire que l'enseignement de la théologie puisse être jamais un moyen de conserver la paix ? Quant à la jurisprudence, un des premiers devoirs des législateurs est de faire assez bien les lois pour qu'elles cessent d'être une science nécessaire et que, bornées à ces principes généraux qui dérivent du droit naturel, elles n'existent plus que comme une partie de la philosophie. Or, l'enseignement de la jurisprudence, en supposant qu'il fût encore utile pendant quelque temps, deviendrait le plus grand obstacle à la perfection des lois, puisqu'il produira une famille éternelle d'hommes intéressés à en perpétuer les vices et qu'il les éclairerait sur les moyens d'en écarter la réforme. D'ailleurs, les lois qui ont besoin d'être éclaircies ont besoin d'être interprétées. Et c'est dans les assemblées des législateurs et non dans l'école que le sens en doit être fixé.